Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 19 décembre 2011. Passe une belle fin de semaine, François. Oui, une fin de semaine chargée. Ah ouais? Hein? Bon, on s'est vu samedi. Ah, c'est vrai, je me rappelle pas. Non, mais on était quand même un petit peu loin l'un de l'autre. Ouais, on était un peu loin, mais je t'ai quand même vu danser sur les tables à moitié habillé. Ou à moitié nu, mais ou c'est, à moitié nu, c'est à moitié. De quel bar, ouais. C'est ça. Non, mais à moitié là aussi. Ouais, ben merci, c'est ça. C'est si doux. Hein? Oui. Tu trouves pas ça doux, ce pièce? Oui, comme un chaton. Oh. Ok, belle émission-là, FN et Q. C'est une belle émission. Belle émission, je trouve, des beaux cheveux. Fallait bien que je parle d'une anecdote sur quand j'ai corrigé quelqu'un, puis après il m'en voulait pour que Jasmine me corrige, et maintenant je lui en veux. Ça va très très bien, c'est le cycle de la vie. Elle aime pas mon chat en plus, fait que... Tu sais? En tout cas. Ouais, défends-toi. Mais non, mais là, son chat, il a juste un œil, puis il a de l'air de juste une tête. Puis toi, t'as parlé rien que d'une tête, toi? Hein? Mais j'ai mes deux yeux, même si j'ai juste l'air d'une tête. Oui, c'est ça, rire des handicapés, Jasmine, à la radio. C'est une bonne idée de faire ça. T'as pas de chat. Le nez aussi. Ah, et on parlera pas. On parle pas de chat. Là, tu vas t'attirer les commentaires de la PETA et les autres associations pour la protection des animaux. Le nez, c'est un petit minou usagé aussi. Fait que j'ai fait ma part quand même. Mm-hmm. Hein? Mettons. Mettons. Ouais. Merci, Jasmine. Merci. Mon chat t'a dit merci. Enfonçant dans un mur parce que c'est un œil, là, c'est sûr. C'est à peu près ça, ça ressemble à ça. Yeah. Ça va, j'étais en train de mourir, mon Dieu. Ben, on dirait en te regardant de même. Ah, oh, fait chaud. Je suis abrionne, je fais pas le bouche à bouche. Ah, j'ai la grippe, non, je vais pas passer. Okay. De toute façon, On va te traîner jusqu'à une toilette qui sent que le lendemain une frosty, là, puis tu vas te réveiller tout seul. Ah, je me la trouvais drôle. Et qui m'énerve. Ouais, Against Me, la pièce Stop. Et bon. C'est très bon. Moi, je fais play à la place dessus, ça te dérange pas? Parce que non, si je fais stop, je jouera pas. Hey, ça, c'était réussi comme jeu de mots, hein? Ben, j'ai aimé ça. Impressionné? Non. J'irais pas jusqu'à dire ça. Stop, it's a metal. It's a metal. C'est même ici Hammer, je pense. Ouais, mec. Bon, ouais. Un prince à New York, soudainement. Donc, c'est la fin du jeu. Joyeuse fête. Joyeuse fête, toi aussi. Hey, merci, oui. Joyeuse fête. Hey, joyeuse fête, François. Feliz Navidad. Je suis pas à l'aise, là, j'aime pas ça. Mais voyons. Il y avait quand même une voix de Gino. Hey, Feliz Navidad. Arriba. À vous, caliente, man. Hey, caramba. Oh, wow. Ah, t'es bonne. T'es bonne. Fait que c'est ça. Pas tant que ça. Non, mais moi. Hey, t'es bonne! Yeah! Hey, Mathieu. François. Est-ce que tu veux rappeler la date? 22 décembre 2011. C'est notre dernière! Yeah! Wouhou! Wouhou! Bon. Mathieu qui donne des coups de poing dans les airs. Ouais, c'est ça, c'est. Dernière émission de l'année. Oui, dernière émission. T'as-tu beaucoup de choses prévues pour les vacances? Attends que je me rappelle, je déménage. Je change d'adresse. Oui, encore, comme l'année passée. C'est pas l'édition. Je sais pas, en fait, il y a une théorie qui circule sur Internet. J'ai vu ça passer. Il y en a qui disent que c'est parce que tu payes pas tes impôts que tu essaies de te sauver. Ah ben mon tabarnouche. Et moi ce que j'aime d'Assemblage requis, la façon qu'on essaie de faire l'émission, tu sais, je pense que le monde s'en rend compte en l'écoutant, c'est qu'on essaie d'être le plus genre dans le présent possible, tu sais. Ouais, on va pas trop loin en arrière. Ouais. On y va des fois, ouais. Mais on essaie d'être au moins semi-récent. T'sais, contrairement à certaines autres émissions. Donc, ouais. c'est notre but de l'émission. Alors que là, ça nous donne la chance de retourner un petit peu plus en arrière qu'à l'habitude. Tout à fait. Ouais. Donc, Simon, aujourd'hui, tu nous parles des pires albums de 2011. Oui. Ça fait très spécial dans ta chronique Phénomène d'entendre des choses aussi récentes, mainstream. Contrairement à d'autres émissions, nous, on est plus récents. C'est ça. C'était pas un commentaire négatif en passant. Ça avait l'air super fendant maintenant que j'y pense. Mais non, c'est notre créneau. Mettons. On a choisi, nous, de rester dans le plus récent. Ben, c'est chacun son chose. Genre. Ben, c'est ça. C'est une très bonne chose. Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 19 décembre 2011. Hein. Je voulais pas froisser Simon à la fin, mais... Hey,